Mesdames et messieurs, notre bus commence doucement sa descente vers la plaine du Black Friday. Ouvrez bien l'œil, c'est ici que vivent les smartphones à prix cassé. Et avec un peu de chance, on pourra peut-être... Oh, regardez là! On en voit déjà un! Et là, un autre qui pointe le bout de sa coque! Bon, la traversée ne dure que 7 jours, alors on va vraiment en profiter à fond. Ouvrez les fenêtres et sortez les filets! Pendant le Black Friday chez SFR, du 19 au 25 novembre, c'est la semaine pour s'équiper. Profitez d'une sélection de mobiles à prix cassé. Appelez le 1090, service et appel gratuit. Offre soumise à condition. Deuxième temps de notre série sur l'histoire des restitutions d'œuvres d'art. Aujourd'hui, les frises du Parthénon. Après avoir reçu hier les auteurs du rapport remis vendredi prochain au président de la République sur les œuvres africaines à restituer qui sont conservées dans nos musées, et avant demain de nous demander que faire des restes humains qui sont gardés justement dans ces mêmes musées, et après demain d'écouter le documentaire d'Anaïs Quin et de Séverine Cassard sur une restitution réussie entre deux pays, le Danemark et l'Islande, nous allons ce matin avec Anaïs Quin, qui a préparé cette semaine avec nous et qui co-animera cette émission, nous intéresser aux frises, aux fameuses frises du Parthénon. Non, avec François Querelle, il est directeur d'études à l'École pratique des hautes études à Paris Sciences Lettres. Il est auteur en 2008 du Parthénon, un monument dans l'histoire aux éditions Bartilla. Et avec Benoît de l'Étoile, il est directeur de recherche au CNRS, professeur à l'École normale supérieure. Il est anthropologue. Il est auteur il y a quelques années du Goût des autres, de l'exposition coloniale aux arts premiers chez Flammarion. Et il a participé à une discussion récente dans le dernier numéro de la revue Perspective, la revue de l'Institut national d'histoire de l'art, sur la question des restitution. Depuis 2500 ans, elle veille sur Athènes. L'Acropole est son temple le plus célèbre, le Parthénon. Les travaux de rénovation ont commencé il y a maintenant 33 ans. À 15 mètres de hauteur, les meilleurs artisans du monde travaillent à la main. Ok, c'est bon, ne bouge plus. Objet de toutes les attentions, les frises, considérées comme un chef-d'œuvre de la Grèce classique. Et pourtant, celles-ci ne sont que des copies, car la moitié des originaux se trouve à 2500 km de là, au British Museum de Londres. Il y a 200 ans, un diplomate avait obtenu l'autorisation de les transporter en Angleterre pour les examiner. Elles n'ont jamais fait le chemin inverse, aux grandes dames des archéologues grecs. C'est une façon brutale avec laquelle il a opéré sur le monument, parce qu'il a détruit, en enlevant la sculpture, plus que l'enlèvement de la sculpture, la manière avec laquelle il a fait ça. Vous rêvez, vous, de revoir cette frise un jour, ici? Tous les Grecs, je crois. Tous les Grecs. Depuis 25 ans, les Grecs demandent leur retour. Pas tant que vous n'aurez pas un musée digne de ce nom pour les protéger, répondaient jusqu'ici les Anglais. Eh bien, ce musée, le voici. 25 000 mètres carrés d'exposition ultramoderne au pied de l'Acropole. Ouverture programmée en fin d'année, avec plancher de verre donnant sur les ruines, plus d'espace pour les célèbres cariatides et surtout une pièce spécialement conçue pour exposer l'intégralité de la fameuse frise. En brun, les marbres qui sont restés à Athènes, en clair ceux de Londres. Objectif, inciter les Britanniques à honorer leurs promesses. Au British Museum, ces sculptures sont isolées. Ici, elles appartiennent à un contexte culturel et historique. Du côté de Londres, on reconnaît que le musée est impressionnant, mais on envisage seulement de prêter quelques pièces. Le Louvre contraint de rendre la Vénus de Milo ou le Metropolitan Museum de New York rendant ses antiquités égyptiennes. Pour l'instant, ce n'est que de la fiction, mais si les frises du Parthénon reviennent un jour à Athènes, cela pourrait devenir une jurisprudence, de quoi donner des sueurs froides à tous les grands musées du monde. Voilà donc pour ce reportage diffusé sur France 2, c'était en 2008, qui nous introduit au sujet qui nous rassemble aujourd'hui, à savoir celui du rapport entre ce musée de l'Acropole, si en contrebas de l'Acropole, donc, et qui conserve les quelques parties de ces frises du Parthénon qui ont été conservées par la Grèce, et puis celles qui sont parties et qui, dont on attend la restitution en Grèce depuis beaucoup d'années. Nous sommes avec vous, Benoît Détoile, bonjour. Ouais, et avec vous également, donc François Querelle, merci d'être avec nous. Bonjour. Et avec Anaïs Quin qui a préparé toute cette semaine avec nous. Bonjour, bonjour à tous. Et donc François Querelle, cette histoire est une histoire qui commence à dater maintenant, pourrait-on dire, puisque le rapt, non pas d'Europe par Zeus, mais le rapt des frises du Parthénon par Lord Elgin date des années 1801-1803 et le résultat d'une certaine façon d'une évolution du regard de l'Europe occidentale et de l'Europe des Lumières sur cet espace géographique qui appartenait alors à l'Empire ottoman. Oui, tout à fait. En effet, c'est une histoire qu'on pourrait presque dire ancienne. Mais de ce point de vue-là, les termes du débat n'ont pas beaucoup évolué depuis le début du XIXe siècle. En effet, ce n'est pas d'abord une prise de possession qui a été faite au nom d'un État, en l'occurrence le Royaume-Uni, mais par un particulier qui se trouvait être ambassadeur, Elgin était ambassadeur britannique à Constantinople. Britannique, malgré tout. Il avait des fonctions officielles qui lui ont permis évidemment de faire aboutir un projet, mais qu'il a utilisé à des fins personnelles. Mmh. C'est-à-dire que ces objets, ces sculptures, il les a fait descendre avec un certain fracas, un certain nombre également de casses, parce qu'il a fallu scier les plaques à l'arrière, etc., pour les détacher. Et il les a fait entrer dans sa collection personnelle. De ce point de vue, là, il a fallu attendre 1816 pour que au moment de la vente de la collection... Parce qu'il s'était un peu ruiné. Était ruiné, il avait plus d'argent. Il avait fait un premier mariage qui avait été malheureux, disons. Il avait été abandonné. Il s'était remarié, mais il n'avait pas épousé la riche héritière qui allait le renflouer. Donc il s'est trouvé obligé de vendre sa collection et le Parlement britannique, pour éviter tout problème de prise de possession illégale, a décidé d'instituer une commission d'enquête avant de débloquer les fonds pour l'achat. Donc vous voyez, l'affaire s'est faite en deux temps. C'est d'abord un collectionneur privé et ensuite c'est un État qui, après enquête officielle, a pris l'ensemble. Anaïs Quin. Oui, d'ailleurs, dans ce nouveau musée du Parthénon, inauguré en 2009, le troisième niveau du musée est entièrement consacré à l'attente du retour de ces œuvres pillées par Lord Elgin. Et on y trouve également un documentaire proposé aux visiteurs, puisqu'il n'y a pas grand-chose à voir de ces œuvres conservées par la Grande-Bretagne. On y trouve un documentaire qui raconte l'épopée de Lord Elgin et la façon qu'il a eue d'organiser la fuite de ces œuvres d'art au tout début du XIXe siècle. Et l'on apprend avec étonnement, étant donné la monumentalité du pillage, qu'il a mis moins d'un an et qu'il a été aidé largement par les Grecs qui étaient sur le site à l'époque et qui n'y ont pas vu sur le moment de problème, puisqu'il s'agissait d'un prêt pour études à l'origine, François Querelle. En fait, il faut se replacer évidemment dans le contexte. Athènes, c'était pas du tout la grande ville actuelle. C'était un village. Et un village où finalement, il y a eu quand même celui qui avait des fonctions de consul honoraire, si l'on peut dire, qui était un grec, qui était d'ailleurs en rapport avec Elgin. Il a protesté. Il trouvait que c'était pas très normal. Et c'est un Anglais. Et ce sont les compagnons proches d'Elgin qui ont été témoins de ce véritable vandalisme, il faut quand même dire, parce que un monument qui était même endommagé a été dépouillé de manière brutale, tout simplement parce qu'il fallait agir vite et que ça coûtait moins cher. Il y avait une conscience quand même de ce vandalisme. Et de ce point de vue-là, Elgin a envoyé d'abord un révérend anglican pour surveiller les travaux, qui essaie de se dédouaner, ce qui montre qu'il y a quand même un certain malaise. Et le deuxième ensuite, Parce que Elgin lui-même est très fier de ce qu'il est en train de faire. Pour lui, Elgin c'est un sauvetage. Elgin est ravi de récupérer, en dépensant évidemment de l'argent, de récupérer des objets pour sa collection. Donc c'est un collectionneur de ce point de vue-là effréné, il est ravi. Mais pour lui, c'est un sauvetage. C'est un sauvetage d'œuvres en péril. C'est un sauvetage, c'est-à-dire que le prétexte disant que ces sculptures sont vandalisées par les Turcs. C'était en effet en partie vrai, ils tiraient dessus, bon, peut-être, étant donné qu'il y avait la garnison turque-ottomane sur l'Acropole. Mais tout n'était pas détruit du tout. Il y avait quelques dommages localisés. Et d'ailleurs, le firman, l'acte qui théoriquement autorise donc depuis Constantinople Lord Elgin à procéder à ce qu'on pourrait appeler des fouilles, à récupérer des statues dans ce Parthénon qui sert de garnison militaire aux Ottomans en surplomb d'Athènes. Ce firman n'est pas très précis, il laisse entendre qu'il doit récupérer des choses qui sont accessibles et qui sont présentes dans le site, mais pas forcément de décrocher des frises de marbre sur le sommet de ce même Parthénon, ce qu'il va faire au bout du compte. Oui, en fait, ce firman, c'est-à-dire cet ordre officiel, premièrement, n'a jamais été retrouvé dans sa copie conservée dans les archives ottomanes. Non. On n'en connaît qu'une traduction italienne qui dérive du mémorandum, enfin du papier préparé par ce révérend dont je vous parlais, qui a d'ailleurs un nom en anglais prédestiné, Hunt, et de ce point de vue-là, même le chasseur, on peut dire. Qui tire à vue sur ce qui passe sous son fusil. Et ce révérend a rajouté tout à fait à la fin une phrase ambiguë disant qu'il pourra enlever certaines parties sculptées sans qu'on comprenne bien de quoi il s'agit. Alors que les autres... Et sans qu'on sache si, dans l'original, la phrase a persisté. De toute façon, l'original... On a perdu l'original. La copie authentique, si l'on peut dire, conservée dans les archives, n'a jamais été retrouvée. C'était le problème, d'ailleurs, de la commission d'enquête du Parlement, puisqu'elle... Britannique, évidemment, qui en 1806 n'avait pas l'acte original, ne pouvait rien prouver. Alors il faut dire à nos auditeurs qu'on se rengorge facilement du côté de la France et pourquoi pas de nos grands musées, y compris du musée du Louvre, à dire regardez, ces Britanniques, par l'intermédiaire de Lord Elgin, ils ont pillé un des sites majeurs du patrimoine mondial. Mais au bout du compte, nous en avons aussi un tout petit bout, puisque il y avait concurrence entre un Français qui s'appelait Fauvel, qui, s'il en avait eu le temps, la possibilité, aurait sûrement fait à peu près la même chose que ce qu'a fait Lord Elgin, mais qui en a été empêché par l'expédition d'Égypte de Bonaparte, qui a fait qu'il a été emprisonné d'abord et expulsé ensuite dans les années entre 1798 et 1801, et qu'au bout du compte, il n'a pas pu aller jusqu'au bout de son projet, qui était lui aussi de récupérer les métopes et les frises du Parthénon. Oui, vous avez tout à fait raison en ce qui concerne le contexte. D'un autre côté, vous savez que s'il y a un procès, l'occasion fait le larron de ce point de vue-là. Et si l'occasion ne se présente pas, on ne peut pas vous accuser d'avoir eu l'intention, vous voyez. Donc là, il faut faire attention. Bien sûr. On n'est pas là pour reconstruire les intentions possibles de Fauvel, qui, il faut bien dire, se place dans le contexte de la Révolution française, avec l'émigration. Il était employé par un ambassadeur lui aussi à Constantinople, mais de Louis XVI, Choiseul Gouffier. Et ce Choiseul Gouffier avait voulu faire dessiner, comme d'ailleurs Elgin, des frises pour permettre aux beaux-arts d'avoir des modèles, etc. Et enrichir aussi, et il l'a fait, ce sont les fragments qui sont au Louvre en partie seulement, il l'a fait pour quelques sculptures sans les enlever du monument qui était tombé. Mmh. Mais il faut voir aussi qu'Elgin, de ce point de vue-là, s'est emparé d'une partie de la collection de Fauvel ayant émigré en Russie, pour ne pas rentrer en France au moment de la terreur et risquer sa tête, évidemment. Pas Fauvel, Choiseul-Gouffier. Ouais. Choiseul-Gouffier, à ce moment-là, a perdu le bateau qui transportait ses antiquités. Et c'est Elgin qui l'a récupéré. Voilà, c'est Elgin qui a racheté à Malte les quelques fragments de cette collection que Choiseul-Gouffier n'a pas pu récupérer. Anaïs Kien. Oui, Benoît de l'Étoile, on prend la mesure de cette passion dévorante des pays d'Europe occidentale pour cette culture antique méditerranéenne, puisqu'Elgin va y perdre sa fortune, sa santé aussi en partie. D'où vient ce goût, cette passion qui les amène à aller littéralement arracher les œuvres de leur contexte? Dans ce cas-là, je pense que c'est très clairement une forme de construction de soi sur un mode généalogique avec effectivement la Grèce ancienne, avec l'idée que c'est la naissance à la fois de l'art occidental, de la civilisation occidentale, et que c'est en rapportant ces objets finalement où ils les appartiennent, non pas d'un point de vue historique, mais d'un point de vue en quelque sorte de nécessité. C'est effectivement, on a besoin de ces objets pour nous construire, nous, en tant que sujets occidentaux. Je pense que c'est particulièrement le cas, peut-être c'est en Bavière, hein, où les souverains de Bavière, effectivement, où, enfin, Munich est pensé comme la nouvelle Athènes, et donc en quelque sorte une espèce d'équivalent entre la Bavière qui émerge au début du XIXe siècle et les collections anciennes. Et donc on va construire à la fois la collection d'antiquité, l'Antiquen Sammlung, et la Glyptothèque, qui est un des plus beaux musées du monde à mon avis, en pensant effectivement construire une espèce de racine de cette Bavière. Finalement, il y a une espèce d'équivalence entre l'Athènes moderne que serait Munich et cette Athènes ancienne. Donc c'est comme ça qu'on a besoin d'apporter ces objets finalement. Oui, c'est d'ailleurs le cas de Schinkel en particulier, ce grand architecte qui est à la fois un des concepteurs justement de cette capitale bavaroise, et puis aussi de celui qui va repenser l'Athènes nouvelle. Il faut absolument lire, pour tous ceux qui ne l'auraient pas encore eu, le fabuleux livre malheureusement d'un auteur qui vient tout juste de disparaître, Yanis Tsiomis, qui s'intitule « Athènes à soi-même étrangère, naissance d'une capitale néoclassique » aux éditions Parenthèse, où il raconte par le menu justement cette prise, pourrait-on dire, de la Grèce antique par les occidentaux européens. Et cela, effectivement, ça pose une question toute simple. Vous qui avez travaillé beaucoup en tant qu'anthropologue sur les musées plus tardifs de la colonisation, d'anthropologie née de la colonisation, c'est de se poser la question de savoir si c'était déjà la prise, disons, d'une sorte de prise coloniale, puisque cette Grèce-là était enserrée dans un empire ottoman, n'était pas encore, elle allait le devenir bientôt, une nation propre d'une certaine façon, et que on sait, pour avoir lu Dimitris Kopelitis par exemple, on sait que les Européens ont rêvé cette Grèce comme étant l'antithèse de Rome, l'antithèse du catholicisme par exemple, et sont allés chercher ses racines dont vous parliez à l'instant même, Benoît de l'Étoile, comme étant à récupérer pour pouvoir faire leur propre identité du 19e siècle. Alors, je pense qu'à la fois, effectivement, on va chercher des choses dans une Grèce qui, effectivement, est encore sous contrôle ottoman à l'époque d'Elgin. Mais il y a quelque chose qui est fondamentalement différent par rapport à ce que j'ai appelé les musées des autres. Effectivement, ces musées d'anthropologie qui vont se constituer à partir de la deuxième moitié du XIXe siècle. C'est que là, on considère qu'il y a une discontinuité. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on va rapporter des objets d'Amérique, des objets d'Orient, c'est des objets qui sont effectivement vu comme intéressants parce qu'ils sont différents de nous, parce qu'ils sont autres, alors que précisément les objets de la Grèce sont ceux qui nous constituent nous. Donc ils vont pas être dans les mêmes musées. C'est-à-dire, au départ, on va avoir des objets ethnographiques qui vont être au Louvre pendant un certain temps, mais effectivement ils vont en être sortis. C'est-à-dire qu'on va considérer ce qui va être intéressant, c'est le tri qui va être fait entre l'antiquité proche-orientale, où les objets assyriens, mésopotamiens, enfin, vont être rester au Louvre, et les objets américains qui, au contraire, en être expulsés. Mmh. Anaïs Kien. Oui, est-ce qu'on ne voit pas d'ailleurs, dès le début de ce 19e siècle, la crainte d'une disparition de ces racines de la civilisation européenne et l'apparition de héros de cette quête de sauvetage, puisque ces aventuriers tels que l'est le Lord Elgin des fameux marbres du Parthénon, puisqu'il, selon lui, dans les correspondances qui sont citées dans le musée de l'Acropole, il sauve ce qui est en train de disparaître. à ce moment-là. Donc on voit bien un regard sur le pays que l'on va piller qui n'est pas capable de prendre la mesure de l'importance de ses œuvres. Oui, effectivement, c'est un thème qu'on trouve aussi en Égypte, effectivement, dans toute cette question du sauvetage et de l'idée que les objets vont être préservés dans les musées occidentaux. Et qu'on trouve encore, d'ailleurs, aujourd'hui, dans les débats sur les restitutions des œuvres africaines, en disant, est-ce qu'on va leur rendre des œuvres? Ils n'ont pas de musée à la hauteur. On en parlait hier avec Bénédicte Savoie et Félix Winsart. Alors, tout à fait. Il se trouve que on a eu récemment l'incendie du Musée national de Rio qui a détruit l'ensemble des collections qui étaient préservées, dont également aussi des collections antiques qui étaient présentes là, et qui du coup met très très fortement en question cette justification pour les musées de l'idée que on conserve les objets pour la postérité. Donc on légitime le détournement de l'héritage d'une certaine façon. Puisqu'on se dit héritier d'objets qui appartiennent à une autre nation. Alors, après, il faut revenir sur la question de ce que c'est qu'appartenir. Parce que justement, enfin, les objets qui appartiennent à une nation, à mon avis, cette phrase-là, qui constitue une relation forte entre une identité, un territoire et une nation, doit précisément être interrogée. Mm-hmm. Oui, et on vous évoquiez le musée de Rio. On peut écouter ou réécouter ou télécharger sur le site le documentaire auquel vous avez participé, justement, pour tenter de redonner une vision de ce qui a totalement disparu aujourd'hui, à savoir ce musée qui a brûlé au mois de septembre dernier. François Kerel. Oui, je voulais juste apporter un petit complément sur cette idée s'approprier pour sauver. En fait, il faut se replacer là aussi dans le contexte de l'époque, et quand vous voyez la perception qu'a Byron, qui passe à Athènes, voyant un monument qui a été dépouillé et endommagé, là, on est dans une perspective assez différente, tout de même. Et on est en 1810-1811, on est à peine 10 ans après. Il a sous ses yeux le spectacle d'une ruine qui est le produit, précisément, de cette déprédation. Et donc, dans la mentalité de l'époque, il ne faut pas penser uniquement qu'il y a eu une exaltation, disons, de quelqu'un qui vient sauver des œuvres mises en péril. Non, il a mis en péril ce qu'il voulait, soi-disant, sauver. Mm-hmm. Et d'ailleurs, il n'a pas tellement parlé de ce rôle de sauveteur. Et il suffit de lire ce que dit Byron dans La Malédiction de Minerve. « Regarde ce temple vide et profané, compte les débris qui lui restent encore. » Et il conclut en disant « Ainsi, lorsque le lion abandonne sa proie, le loup arrive après lui, puis vient le lâche et vil chacal. Les premiers dévorent la chair et le sang de la victime, le dernier se contente de ronger les os en toute sécurité. Bah, » Et « ronger les os en toute sécurité », c'est Byron qui était son contemporain et qui avait pris évidemment l'attaque de plein fouet. Et de ce point de vue-là, vous voyez, à l'époque... C'est Byron contre Elgin, vous voulez dire là. Contre Elgin, oui, c'est ça. Absolument. Il assimile à un chacal, et à un chacal qui est l'objet de toute abjection, qu'il faut rejeter. Et il rougit d'être son compatriote. Alors nous allons faire un saut dans le temps et écouter une archive de 1982. La ministre de la Culture, qui était Mélina Mercouri, organise donc participe à une conférence mondiale organisée par l'UNESCO sur les politiques culturelles. C'est à Mexico le 29 juillet 1982. Avec une traduction d'Anaïs Kien. Que représente Shakespeare pour l'Angleterre ou la cathédrale Saint-Paul? Que représente le Taj Mahal pour l'Inde? Que représentent les peintures de la chapelle Sixtine pour l'Italie? Les marbres du Parthénon sont notre fierté. Ils sont notre identité. Ils sont liés à l'excellence grecque. Ils représentent le génie créatif, synonyme de nos conceptions de démocratie et de liberté. Imaginez dans une situation similaire que les peintures de Michel-Ange soient arrachées et emportées dans un pays étranger. L'Italie aurait-elle aujourd'hui de bonnes relations avec ceux qui auraient fait ça ? L'Italie serait-elle en droit de réclamer le retour des chefs-d'œuvre de la chapelle Sixtine ? France Culture, La fabrique de l'histoire, Emmanuel Laurentin. Et Anaïs Quien, donc, dans cette émission où nous recevons Benoît de l'Étoile et François Querelle, et autour de la question justement de ces marbres du Parthénon et plus largement de la question de la restitution des œuvres. Alors on est dans un contexte un peu différent de celui dont on parlait hier, avec un contexte colonial, donc domination coloniale sur des pays que nous avons colonisés et demande des pays nouvellement indépendants depuis les indépendances des années 60 de voir restituer certaines de ces œuvres qui ont été pillées, volées et qui sont dans nos propres musées. On est dans un contexte un peu différent puisqu'on se trouve entre deux pays, par exemple, appartenant à une même communauté, enfin jusqu'au Brexit prochain, à savoir la Grande-Bretagne et la Grèce, François Querelle. Et là, ça change peut-être de nature ou pas ? Oui, alors là, c'est évidemment la situation actuelle. Si on replace également la question d'un point de vue historique dans son contexte, pour la France de la Révolution et du Directoire en particulier, il y avait la volonté de constituer, depuis 1793, c'est l'origine du musée du Louvre, un grand musée général qui doit être enrichi non seulement des collections royales ou de celles confisquées aux émigrés, mais aussi de toutes les collections des pays qui sont conquis. Vous voyez, donc de ce point de vue-là, il y a un texte tout à fait intéressant. En 1796, avant même la conclusion des traités entre la France, les États pontificaux d'un côté, l'Autriche de l'autre sur l'Italie, qui est de Quatre mers de Quincy. Alors, je vous lis simplement le titre. Donc, il publie en 1796 des lettres sur les préjudices qu'occasionnerait aux arts et à la science le déplacement des monuments de l'art de l'Italie. Donc, vous voyez, là, il y a des arguments intéressants qui n'ont pas été suivis, évidemment, puisque l'année suivante, il y a eu des convois, les années suivantes, destinés à rapatrier, à transporter en France des œuvres d'art de l'Italie qui ont été conclues au moment de la Restauration en 1815 par le rapatriement vers l'Italie de ce qui avait enrichi le Louvre qui s'est trouvé tout vide à ce moment-là. Oui, c'est d'ailleurs très intéressant, c'est le travail qu'avait mené Bénédicte Savoie sur ces rapts bonapartistes et puis napoléoniens sur les œuvres d'art de l'ensemble de l'Europe et ces négociations au moment de la chute de Napoléon où tous les ambassadeurs de chacun des pays qui ont été pillés reviennent à Paris et disent à Louis XVIII il faut nous rendre ceci, ceci, ceci, ceci, ceci, avec des listes qui sont extrêmement précises en disant il n'est pas question que vous les gardiez, d'autant qu'on n'avait pas simplement pris à ce moment-là les œuvres d'art, on avait pris aussi les archives pour créer un grand palais des archives européennes sous l'égide de Napoléon du côté d'un endroit qui vous intéresse puisque ce palais des archives il était au Quai Branly en fait, hein, ce qui est devenu le Quai Branly à l'endroit même où est institué le musée du Quai Branly, un lieu prédestiné, effectivement. Anaïs Quien. Oui, on peut peut-être aussi s'interroger sur les formes de restitution possibles, puisque là, on a entendu Mélina Mercouri, donc qui lance au début des années 70 une campagne en demandant la restitution par le British Museum de ces marbre d'Elgin, elle les appelle elle-même les marbres d'Elgin. Donc on voit aussi le poids de cette aventure individuelle de rapt sur l'identification de ces objets. Les formes de restitution peuvent être très diverses, c'est-à-dire que le British Museum refuse évidemment, Benoît de l'Étoile, de rendre ces objets. Pour autant, il a parfois proposé d'en prêter une partie, il en a autorisé la copie, donc on a une copie dans ce musée de l'Acropole, une copie intégrale de cette frise dans laquelle ont été incrustés les quelques morceaux qui subsistent, et c'est là qu'on voit qu'il ne subsiste plus grand-chose sur le territoire grec. Les restitutions se font parfois pleinement, et puis parfois sous la forme d'un don à très long terme ou d'un dépôt par l'État qui se dit légitimement propriétaire à celui qui a été spolié. Ça pose plusieurs questions. C'est-à-dire, effectivement, d'un côté, il y a la question de... Parce que quand on dit restitution, c'est effectivement pas seulement le fait de pouvoir admirer l'œuvre d'art, c'est toute la dimension symbolique qui est présente. Et en fait, c'est-à-dire que la question de la restitution, elle associe telle qu'elle est constituée, à la fois la notion de propriété, la notion de souveraineté. Et en fait, ils sont deux notions qui viennent du droit occidental. Donc l'idée qu'en fait un État affirme non seulement la propriété des œuvres, mais aussi la souveraineté et le fait qu'elles sont essentiellement constituant l'essence même de la nation. C'est ça, dans le très beau texte de Benjamin Mercouri, c'est ça qui est dit, c'est qu'effectivement la Grèce a besoin, pour être en quelque sorte complète, que lui reviennent ses œuvres. Sinon, c'est une forme, c'est son âme en quelque sorte qui serait absente. C'est ça d'ailleurs qui est très passionnant dans l'exemple pris par Anaïs du musée du Parthénon, du musée de l'Acropole. C'est le manque, c'est la mise en scène du manque d'une certaine façon, c'est-à-dire c'est le vide qui dit combien il faudra un jour peut-être pour la pleine et l'entière souveraineté du pays, comme vous le disiez à l'instant même, Benoît de l'Étoile, le remplir ce vide pour pouvoir être enfin soi. Mais en même temps, c'est une forme de réponse à l'argument comme quoi il n'y a pas de musée pour accueillir ces objets. Effectivement, le construire, c'est à la fois donc répondre à ce contre-argument et en même temps, effectivement, manifester solennellement l'absence de ça. Mais il y a une autre question qui est quand même posée, à mon avis, c'est la question de la réplique, du statut de la réplique. C'est-à-dire qu'effectivement, et pour là, les musées ont des pratiques très différentes. Par exemple, en France, on considère que la réplique est vraiment quelque chose qui est très, très mal vu, qui est vraiment indigne. Qui est vraiment indigne. Alors que par exemple au musée d'anthropologie de Mexico, qui est l'équivalent en un sens du musée de l'Acropole pour le Mexique, qui présente les antiquités mexicaines qui sont pensées comme telles pré-colombiennes, il y a un usage de la réplique qui est considérable et c'est même pas précisément indiqué en fait quelles sont les pièces qui sont originales et quelles sont les pièces qui sont des répliques. Et il y a une très très grande fierté de cette archéologie, mais c'est pas forcément un problème en soi qui est une réplique. Par ailleurs, il y a des œuvres authentiques tellement riches et tellement extraordinaires qu'ils n'en ont pas besoin. Mais le c'est tout à fait intéressant le fait que la réplique dans certains cas... La question de l'authenticité. La question de l'authenticité, qui est un des enjeux de la restitution. Qu'est-ce qu'on partage finalement? Le fait de renvoyer l'objet lui-même est considéré comme extrêmement valorisé parce que ce sont des objets qui ont été construits de façon autour de revendications identitaires, nationales ou bien ethniques ou régionales. François Quirel. Oui, cette idée, en effet, que la réplique, finalement, a une valeur simplement secondaire par rapport à l'original, elle est communément partagée et elle a un aspect économique. C'est-à-dire que si vous faites une grande exposition où vous ne présentez que des répliques, ouais, on va vous rire au nez en vous disant et personne ne va venir. Mais d'un autre côté, la réplique peut, dans certains cas, permettre une appréhension d'une œuvre comme la grotte de Lascaux, par exemple. La grotte de Lascaux n'est pas visitable et seule la réplique permet de se rendre compte. Et il y a enfin une dernière dimension qu'il ne faut pas oublier. Il peut y avoir, et c'est le cas dans les jeux vidéo actuellement, il va y avoir une exposition mi-décembre à la Gaîté Lyrique là-dessus, où on utilise une reconstitution intéressante et documentée du Parthénon, par exemple, pour qu'il y ait une nouvelle appréhension de la réalité, une réalité évidemment qui suppose un certain nombre de déformations tout de même, mais il y a aussi des moyens d'appropriation intéressants de ce point de vue-là. Alors, puisque vous parliez de répliques, eh bien, il y a un deuxième Parthénon dans une chanson de Christos Anastasiou. Il s'agit de Stelios Kazantzidis, le grand chanteur de Rebetiko, il le considère comme le deuxième Parthénon, Lefteros Parthenonas. Βρέθηκα σε μια ξένη γη, τα όνειρα να μπλέξω για να γιατρέψω μια φτωχιά για να αντέξω. Στην ξενιτιά δεν γνώρισα ούτε χαρά ούτε ελπίδα, μια αγάπη έχα σαν γλυκιά και τη μισή. Thank you. λίγο βαρύ απ' τη καρδιά και απ' τη ψυχή. Christos Anastasiou dans cette émission consacrée au Parthénon et à la restitution possible, attendue, espérée de ces marbres par la Grande-Bretagne au musée d'Athènes, au musée de l'Acropole. Vous vouliez, Benoît de l'Étoile, vous qui êtes spécialiste des musées d'anthropologie, comparer la façon dont un musée comme le British Museum pouvait gérer justement ces questions de d'appartenance, ces questions d'origine de ces collections entre par exemple la collection des marbres du Parthénon et des collections africaines que vous connaissez bien par ailleurs. C'est effectivement ce qui se passe, c'est qu'il y a une, on a une, ce type de revendication est de plus en plus important par un certain nombre de pays qui justement affirment aussi des revendications anticoloniales ou une forme de revendication par rapport à l'ancienne métropole, que ce soit effectivement en Afrique, au Nigeria, par rapport au, ce qu'on appelle les bronzes du Bénin, mm-hmm. qui ont été pris en 1897 lors de l'expédition punitive britannique, qui ont été ramenés en Grande-Bretagne. À la fois 200 ont été donnés au British Museum et les autres ont été vendus et sont dans très nombreux musées européens, français relativement peu. En fait, c'était intéressant comme au British Museum, à un moment donné, justement, il y a quelques années, alors j'ai pas vu ça récemment, mais on présentait, il y a toute une justification avant l'entrée dans la salle des marbres du Parthénon qui expliquait pourquoi il était bien que ces objets restent au British Museum, parce qu'effectivement c'était leur place, alors que dans le cas des bronzes du Bénin qui étaient dans la section africaine, la justification était beaucoup moins développée. C'est, effectivement, c'était, on évoquait le fait qu'ils avaient, comment ils étaient arrivés, mais il n'y avait pas du tout une idée que c'était autant développé. Je pense que maintenant, effectivement, de plus en plus, les musées sont confrontés à ce genre de revendications. C'est-à-dire à rendre traçables les œuvres qu'ils proposent. Alors, traçable, ça me semble être la moindre des choses, de dire effectivement que systématiquement comment est-ce qu'un objet est arrivé dans les collections. Je pense que on est sensible à cette question de l'histoire de l'objet et que c'est aussi pour les visiteurs. Mais ça n'est pas toujours possible, Benoît de l'Étoile. Non, ça n'est pas toujours possible, mais c'est possible dans un nombre de cas relativement important. En tout cas, pour ces objets-là, on le sait très bien comment ils sont arrivés. On sait très précisément le parcours qu'ils ont fait. François Kéré. En ce qui concerne cette question, en effet, de la traçabilité, c'est le gros problème actuel pour tout ce qui concerne les objets antiques. Et il faut dire qu'on est évidemment dans un contexte différent de celui d'il y a deux siècles ou même davantage. Oui, parce que c'était le goût des antiquaires auparavant. Voilà. Et puis alors on avait le grand tour en Italie, on pouvait plus le faire, donc on va en Grèce du point de vue des Anglais. Mais actuellement, le trafic d'objets d'art, en effet, on pense surtout à la Syrie, on pense à l'Irak, mais il faut pas oublier la Libye. Et de ce point de vue-là, on trouve en vente sur Internet, et les musées occidentaux en tout cas se gardent de l'acheter, énormément de sculptures. Il y a un étudiant en thèse là qui travaille sous ma direction, Morgan Belzic, qui a multiplié par deux son corpus en consultant les sites de vente de maisons ou à Barcelone ou ailleurs d'antiquités, car c'est un type de statuaire qui est très caractéristique. Donc il y a aussi cette dimension financement du terrorisme dans le cadre d'un État qui n'existe plus avec ses structures. Et justement, en fonction de ces remodelages géopolitiques et historiques, Benoît de l'Étoile, parfois on ne sait pas à quelle justice se vouer d'une certaine façon pour demander la restitution. Quelle justice est apte à donner à se prononcer sur cette question? L'Union européenne a botté en touche sur la question justement des marbres de l'Acropole il y a deux ans, il me semble, ou l'année dernière. Mais un procès est en cours, je crois, au sein du Commonwealth. Mais là, il y a un cas intéressant, en fait, le bouclier dit Wiggle Shield, qui aurait été rapporté par James Cook et donné au British Museum, en fait, Donc c'est un bouclier aborigène australien. Un bouclier en écorce d'aborigène australien, et qui était attribué, en fait, à la première rencontre entre James Cook en 1970 et des aborigènes australiens à Botany Bay. Et la rencontre se passe relativement mal, puisque les marins tirent sur deux aborigènes qui sont là et qui partent en laissant un bouclier et des javelots. Les javelots sont actuellement au musée d'anthropologie et d'archéologie de Cambridge et le bouclier est au British Museum. Et il y a eu en 2016 une grande exposition qui s'appelait Encounters, rencontre au musée national de Canberra, dont ces objets ont été présentés. Et à la fin de l'exposition, quelqu'un qui se présente comme un aborigène descendant d'une des deux personnes qui était à Botany Bay a revendiqué le fait que ces objets restent sur le territoire. Et bon, il y a eu tout un ensemble. Il y a eu un sénateur qui a passé une motion au Sénat en Australie qui affirme notamment que le peuple Guigal et ses descendants sont les propriétaires légitimes et légaux de tous les objets qui ont été produits sur leur territoire, incluant le bouclier et les javelots conservés par le British Museum et le musée d'anthropologie d'Archéologie de Cambridge. Oui, parce qu'il faut insister beaucoup sur la place du droit et des juristes dans ces questions de restitution internationale. Il y a d'ailleurs un colloque qui se tenait hier et qui se tient encore aujourd'hui à l'UNESCO à Paris, qui s'intitule « Les nouveaux enjeux patrimoniaux en contexte de crise », qui évoque justement ces questions du patrimoine déplacé, du patrimoine pillé, du patrimoine volé. Et des juridictions aptes à donner leur avis sur la question. Vous voulez peut-être finir, Benoît de l'Étoile ? Ce qui était intéressant dans cette-là, c'est les arguments qui sont employés. C'est effectivement propriétaires, légitimes et légaux. Donc toute la question est posée en termes de propriété, de qui est la propriété. Et précisément, un des points qui me semble important, c'est de voir que tout ce discours se fait dans les catégories du droit occidental. Ce qui est normal, puisque ces objets sont effectivement dans des musées occidentaux depuis longtemps, et les revendications sont faites également dans ce droit-là. Mais simplement, il y a aussi d'autres possibilités, en fait, de concevoir la question du rapport d'appropriation des objets, qui sont pas nécessairement dans les termes du droit romain. Et je pense que c'est là qu'on a un certain nombre de choses qu'on peut imaginer. Dans le cadre précisément de ces restitutions, qui sont des restitutions d'objets dont l'origine est très incertaine et peut être prouvée, il y a en effet un certain nombre d'histoires récentes qui ont abouti à des restitutions par des musées, en particulier américains. Et donc il y a un gros enjeu économique évidemment, parce que le musée Getty, qui avait acheté à prix d'or Absolument. Et avec de gros moyens, un certain nombre d'objets venus d'Italie, a perdu à la fois beaucoup d'argent en les restituant, sa conservatrice aussi qui les avait achetés, été renvoyée. Donc il y a quand même des décisions de justice qui font un cadre légal et qui amènent à réfléchir à deux fois avant, pour un musée, avant d'acquérir des objets à l'origine incertaine. Alors ça c'est sûr évidemment dans le contexte actuel, mais il faut bien dire aussi que les musées américains en particulier n'ont pas la même législation que la législation française, par exemple, sur le caractère inaliénable d'une collection. C'est-à-dire qu'une fois que, théoriquement, une œuvre est entrée dans les collections, dans les collections publiques, légalement ou illégalement, enfin en tout cas qu'elle est entrée dans les collections, elle est théoriquement, il est impossible de les en sortir de ces collections. Et c'est vrai que c'est ce qui s'est passé par exemple pour les manuscrits coréens de la Bibliothèque nationale de France qui ont été rendus avec bien des difficultés il y a quelques années, après de très longues négociations avec la Corée du Sud. Nous avions, je crois, 300 manuscrits, quelque chose comme ça. Pour autant, François Mitterrand en avait offert un volume à l'occasion d'une visite diplomatique sans problème juridique. Juridique majeur, François Guéret, vous vois sourire, mais... Oui, en l'occurrence, en effet, chaque pays a sa législation. On sait que pour des objets volés, il y a une prescription, mettons, de 30 ans à tel endroit. Aux Pays-Bas, elle sera peut-être de 10 ans. En ce qui concerne l'Union européenne, vous en parliez tout à l'heure, pour la restitution d'objets sortis illégalement de la communauté européenne, enfin de l'Union européenne, il est question d'une date 1993, parce que avant, donc, l'Union européenne dit que la directive ne s'applique pas. Et vous voyez, même entre tel pays et l'Union européenne... Les dépossessions, vols ou spoliations qui ont eu lieu avant 93 ne peuvent pas, comme vous le disiez, administrées par l'Union européenne. Beauté en touche peut-être du point de vue des victimes, mais du point de vue du droit, là on a un cadre légal avec une date. Et puis, il y a quelque chose aussi qui est le fruit de ce qu'on appelle aujourd'hui, de façon plus générale, la mondialisation, pourrait-on dire. C'est-à-dire qu'effectivement, on se trouve dans des confrontations mondiales. En l'occurrence, Benoît de l'Étoile, vous disiez, et c'est ce que nous disaient déjà nos invités d'hier à propos du rapport qu'ils vont rendre, que les questions qui étaient inaccessibles ou inentendables ou inécoutables par les pays européens et leurs musées il y a encore 6 mois, 1 an ou 2 ans, le deviennent progressivement parce que les demandes sont plus pressantes, parce qu'il y a des négociations à mener, parce que si on veut aussi en parallèle conquérir des marchés, ces objets d'art peuvent être aussi des manières de troquer entre la conquête d'un marché et puis la façon dont on pourra rendre certains de ces objets à leur légitime propriétaire. Benoît L'Étoile. Effectivement, le terme légitime propriétaire est tout à fait intéressant parce qu'effectivement il présuppose, encore une fois, cette notion de la propriété sur le mode de l'exclusivité. C'est effectivement, soit c'est à moi, soit c'est à toi. Et effectivement, c'est la notion de propriété telle que le formule le Code civil, qui est l'idée d'une possibilité de jouissance absolue et de le droit de disposer complètement de l'objet. Et c'est ça qui est... imaginer autre chose, c'est ce que vous voulez dire. Mais c'est-à-dire qu'en propriété fait... propriété partagée. Là, on a, dans cette idée, on aligne complètement la question de la souveraineté, la question de la propriété au sens juridique, la question de la possession, c'est-à-dire qui est-ce qui a l'objet, et la question de l'usufruit ou de la jouissance. Et donc, quand on pense en termes de restitution, ça veut dire que pour qu'il y ait réappropriation, il faut qu'il y ait expropriation ouais. de celui qui s'était approprié indûment l'objet. Donc on reconstitue effectivement, rétrospectivement, on dit cet acte était mauvais, il était peut-être juridiquement légal, mais en tout cas il devient rétrospectivement illégal parce qu'il est légitime, et donc il faut rendre ça à son propriétaire légitime. Pour autant, la question de la propriété, lorsqu'on considère l'inaliénabilité des collections publiques... Bravo, vous avez réussi à le dire, contrairement à moi. Je vous ai écouté hier, donc je me suis entraînée depuis. Cette notion ne permet pas à un État de jouir entièrement d'un objet, puisque cet objet ne peut être vendu. François Carré. Je voulais intervenir à ce sujet parce que on a eu récemment un cas en 2013-2014 au moment de l'annexion de la Crimée par la Russie. Une exposition d'objets ukrainiens avait été présentée à Bonn, d'objets antiques essentiellement, et elle était partie à Amsterdam. Et à Amsterdam, au moment où le conflit a eu lieu, l'exposition était là. Alors, le cas évidemment était, à la fin de l'exposition, se poser à qui rendre des objets. Mais s'ils étaient revendiqués par les deux États, à la fois l'Ukraine qui avait perdu la Crimée et la Russie qui l'avait récupérée, occupée, tout dépend des interprétations, je n'entre pas dans ce cas-là. Et je crois, les objets sont restés évidemment séquestrés un certain temps, et c'est un problème récurrent pour les expositions, savoir à qui rendre l'objet une fois que l'exposition a été présentée. Donc là, vous voyez, vous avez des cas très précis, contemporains, de ces problèmes de restitution. En tant qu'anthropologue, j'ai l'impression, Benoît de l'Étoile, que connaissant en particulier très bien le Brésil, que vous espérez, vous attendez autre chose justement que ce que vous pointiez du doigt tout à l'heure, c'est-à-dire une propriété pleine et entière des objets qui se transférerait de celui qui en est le propriétaire à un moment donné à celui qui en a été supposément le propriétaire un siècle, 2 siècles ou 10 siècles plus tôt. Il ne s'agit pas du tout de dénier la légitimité de la question de restitution du point de vue de la symbolique qu'elle a pour ces nouveaux États. Mais simplement, effectivement, ce que je vais essayer de dire, c'est que si, par exemple, on s'inspire des analyses que présente Marcel Mauss dans l'essai sur le don, ou qu'il construit comme une attaque contre le droit romain et contre la conception de la propriété pour arriver à un projet de socialisme juridique, par le droit, en fait, c'est ce qu'il veut faire, il va s'appuyer sur un certain nombre de ce qu'il appelle des droits dans l'ethnographie, en particulier le droit dit le droit maori, et il va reprendre, en fait, la conception. C'est la notion du haut. De haut, qui est quand je donne un objet à quelqu'un et que cet objet est un objet précieux, cet objet précieux la personne le donne à l'autre, et s'il reçoit en retour un don, ce don doit revenir à la première personne qui l'avait donné. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail des analyses ici, ce qu'on appelle don et contre-don, mais c'est l'idée en fait qu'il y a plusieurs personnes et que ce haut est ce qui oblige l'objet à revenir. Mais ce qui revient, c'est une esthétique de la relation, c'est une vision de la relation. Et surtout, ça n'est pas le même, ça n'est pas le retour du même, c'est le retour d'un objet précieux considéré comme équivalent. Et ce que je veux dire par là, c'est que ça ouvre d'une part effectivement la possibilité de découpler la question de la propriété, de la souveraineté, de la possession, et d'autre part, ça évoque ça, la possibilité que ce qui revient n'est pas forcément la même chose, comme dans la restitution, mais un objet considéré comme équivalent. Donc, c'est-à-dire qu'on pourrait donner la Joconde au Bénin en lieu et place de ces bronzes. Alors, on pourrait donner la Joconde, mais par exemple, si on prend les œuvres que Ernst Ludwig Kirchner a fait en allant au musée d'ethnographie de Dresde sur les mers du Sud, par exemple, on pourrait dire que ces œuvres sont le produit de ce premier don, et donc ce sont ces œuvres-là qui vont venir sur le principe du haut plutôt que les objets originaux. Ça veut dire qu'on peut dire qu'effectivement, au lieu renvoyer des objets qui sont considérés aujourd'hui dans des régions qui ont été christianisées ou islamisées comme païens, et donc qu'il n'y a plus de valeur du point de vue religieux, on pourrait envoyer des objets d'art chrétien ou d'art islamique, par exemple, qui peut-être intéresseraient beaucoup plus les populations. Alors, c'est d'ouvrir les possibilités d'imaginer des relations qui continuent, en fait. Mm-hmm. Oui, et d'un point de vue très pratique, il y a en effet des projets, ici ou là, de sortes de musées temporaires qui abriteraient et permettraient de voir à un public qui n'est pas celui du pays concerné, parce que le pays concerné est en guerre civile et n'a pas les moyens de les présenter, des objets qui précisément sont destinés après à revenir du point de vue, donc c'est une sorte de dépôt qui serait temporaire, et cette solution est aussi intéressante. Il suffit de penser même à Guernica de Picasso. Picasso voulait que Guernica soit présenté en Espagne une fois que l'Espagne serait libérée de Franco. Vous voyez, donc cette idée d'avoir des objets liés à l'identité d'un pays, on ne compte pas du tout, l'identité d'un pays est importante. Moi, je dirais objet ambassadeur, pour reprendre une formule qui a été développée pour la Nouvelle-Calédonie. Qui est en fait l'idée qui a été développée par Marie-Claude Djibaou, la veuve de Jean-Marie Djibaou, et de dire finalement les objets n'ont pas vocation tous à être revenir en Nouvelle-Calédonie, mais ils sont au contraire des ambassadeurs d'autres cultures dans les autres pays. Donc ils reviennent de façon temporaire, il y a eu un programme, mais ensuite ils vont continuer leur parcours. Eh bien merci en tous les cas d'avoir fait cet effort d'imagination à partir des frises du Parthénon et d'une querelle que nous connaissons bien et régulière, pourrait-on dire, entre la Grèce et la Grande-Bretagne, d'avoir imaginé comment on pouvait envisager d'autres manières, justement, de faire circuler les objets pillés dans des siècles précédents. Merci à vous, François Quérel. Je rappelle que vous êtes auteur du Parthénon, un monument dans l'histoire, qu'on ne trouvera qu'en bibliothèque parce qu'il n'a pas été réédité chez Bartilla. Vous êtes à l'École pratique des hautes études, directeur d'études. Et merci à vous, Benoît de l'Étoile. Vous êtes auteur de Le goût des autres, de l'exposition coloniale aux arts premiers. C'était chez Flammarion, il y a quelques années. Et vous avez participé à une discussion de la revue Perspective avec d'autres spécialistes sur, justement, cette question des restitutions. C'est une revue de l'Institut National d'Histoire de l'Art et c'est le numéro qui vient tout juste de sortir. Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Aurélie Marcet et Céline Leclerc. Julien Calvas était avec nous à la technique et Séverine Cassard à la réalisation. Demain, nous nous posons une question aussi délicate, Anaïs Kien, nous allons parler de... Oui, puisque nous parlerons de la question de l'échange, de la restitution des restes humains conservés par les musées publics français.